cache la vraie nature d'un homme. C'est tellement facile de vexer, de blesser, de tracer un cercle autour de soi et rester sans porter pour ses idées, manquer de respect, s'entêter jusqu'à finir complexé. Pas facile de fixer le présent durablement, alors on excelle dans l'excès. Yo, dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que tu ne l'as pas fait, dis-moi que tu n'as jamais laissé d'émotion te porter. Pardon, j'étais debout sur le panier, j'ai entendu tous les sujets dont vous parliez. Qu'est-ce qu'on peut faire à la vie pour avoir tant de regrets? N'y a-t-il que dans nos têtes qu'il y a une forme de progrès? Speak to yourself. Saber como ir devagar, tem que ter respeito pra saber que tem que respeitar. Do yourself.